check. Yeah. Ici c'est Kerim, aka El Campeón. 31 cents. Dégâts spécial brascophonique. Je remonte le son de la 4-3-1 sur la plaque, j'suis pas de Paris. Mais j'ai ce qu'il te faut, le texte nique, rime 24 carats. Rappeur souris, j'te fais MAL comme une carie. El Campeón, plus charismatique que Kenza Farah. Préviens Laurent Bruno, dis-lui bien que j'avlerie. Que je baisse le prog, que je baisse les chemises et puis la mairie. Mettez-vous sur le texte écho lorsque j'atterris. Kerim, c'est le big, c'est le bico qui flingue la série.